إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد. Donc bienvenue à tous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve et vous facilite. Nous poursuivons l'étude du livre Les fondements de la Sunna de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Et nous nous sommes arrêtés à sa parole, rahmahullah, chez nous la sunna et le récit des faits rapportés du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la sunna explique le Coran. Ici l'imam Ahmad, rahmahullah, nous mentionne la place de la sunna et son rapport avec le Coran. Il nous dit tout d'abord que la sunna est ce qui nous a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui nous a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam est de trois catégories. Nous avons tout d'abord ses paroles, ensuite ses actes, et pour finir, ses approbations. Et lorsqu'il nous dit que la sunna explique le Coran, ceci est tiré du Coran, notamment du verset 44 de sourate les abeilles. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim. Et vers toi, nous avons fait descendre le rappel pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux. Et les savants nous disent que ce qui est voulu par le rappel dans ce verset, c'est la sunna. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens, pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux, c'est-à-dire le Coran. Ainsi, on tire de ce verset deux enseignements importants. Le premier enseignement est que la sunna est une révélation. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit au début du verset selon le sens « Et vers toi, nous avons fait descendre le rappel. » Et comme nous l'avons dit précédemment, ce qui est voulu par le rappel, c'est la sunna. Et il y a d'autres preuves qui indiquent que la sunna est une révélation. Par exemple, nous avons le verset dans sourate l'étoile. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Le deuxième enseignement est que la sunna explique le Coran. L'éminent savant Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah nous dit que parfois la sunna confirme ce qu'il y a dans le Coran, telle que l'obligation de la prière, ou bien elle va expliquer ce qui est venu de manière générale dans le Coran, telle que la prière. Car dans le Coran, on retrouve l'obligation de la prière, mais on ne retrouve pas le nombre d'unités qu'il faut accomplir dans les différentes prières. Ou encore, comment accomplir la prière? Ou bien la sunna va citer une chose qu'on ne va pas trouver dans le Coran, telle que l'obligation de zakat al-fitr. Et également, par exemple, l'interdiction de jeûner le jour du Eid. Et tout ceci nous montre qu'on ne peut pas séparer la sunna du Coran. Tout comme il est impossible de se passer de la sunna comme peut le prétendre la secte des coranistes. Les coranistes sont une secte qui prétendent prendre uniquement du Coran et ne pas avoir besoin de la Sunna. Et comme leurs semblables, parmi les gens de l'innovation, ils se sont basés sur certains versets du Coran en prenant soin de délaisser de nombreux versets qui indiquent l'obligation de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, ils se sont basés sur le verset 89 de sourate les abeilles. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset: وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Nous t'avons révélé le livre comme un exposé clair de toutes choses, un guide, une miséricorde et une bonne annonce faite aux musulmans. Selon les coranistes, ce verset indique que la sunna n'est pas nécessaire, car Allah subhanahu wa ta'ala a décrit le Coran dans ce verset comme un exposé clair de toutes choses. Par conséquent, selon eux, le musulman doit uniquement suivre ce qu'il y a dans le Coran. Alors que dans d'autres versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Al-Hashr: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que le messager vous donne, prenez-le. Et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Et les savants du tafsir nous disent que ce verset a une portée générale et qu'il englobe tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné et interdit. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également dans sourate An-Nisa: Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Quiconque obéit au messager obéit à Allah azza wa jal. Ces versets indiquent l'obligation de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un point très important que le musulman doit savoir. Et ce point concerne les gens du faux. Les savants de la sunna nous disent que celui qui est sur le faux va forcément tomber dans la contradiction, car il n'est pas sur une voie claire. Et les coranistes n'ont pas échappé à la règle, car ils disent rejeter la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, ils accomplissent des actions qui sont venus uniquement dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, salatul janaza, la prière mortuaire. Cette prière n'a pas été détaillée dans le Coran, mais pourtant ils l'accomplissent. Pareil, ils accomplissent la prière du Vohr en 4 unités, celle du Fajr en 2 et celle du Maghreb en 3 unités. Pourtant, le nombre d'unités des prières n'est pas venu dans le Coran. Et les exemples sont nombreux. Et tout ceci sont des preuves. Et tout ceci sont des preuves et des arguments montrant que les coranistes sont certes dans un égarement évident. Ensuite, l'imam Ahmad rahmahullah a dit: la sunna ne contient pas d'analogie. Si ce qui est voulu par la sunna dans la parole de l'imam Ahmed est ce qui est en lien avec la jurisprudence et les transactions, les savants ont divergé quant à l'utilisation de l'analogie dans ces sujets. Et l'avis de la majorité est qu'il y a dans cela l'analogie. Et si ce qui est voulu par la sunna dans la parole de l'imam Ahmed rahimahullah et ce qui est relatif à la croyance, les savants ont divergé en 3 avis concernant l'utilisation de l'analogie dans les choses relatives à la croyance.